RQC. Il est 20h. Allô, c'est Alastair Sin du groupe From Hell. Vous écoutez Riff d'Enfer sur RQC 95 FM. Eh bien, bien le bonsoir à toutes et à tous, chers auditeurs et auditrices d'RQC 95 FM. Bonsoir, Slasher. Bonsoir, Scream. Ça va ? Ça va en forme ? Oui, très très très bien. Et toi ? Un peu enrhumé, mais bon, fallait. Voilà. C'est heureux, mais bon, faut faire avec. Voilà, il faut faire avec, comme tu dis. On sera rejoint d'ici quelques minutes par Sylval. Oui. Voilà, donc au programme de cette émission, beaucoup de nouveautés. On retrouvera bien entendu la Slasher Song, la Sylval Song, oui. La balade crapuleuse. Et on vous contera un petit peu notre aventure de ce dimanche. Oui, de voilà, dimanche, oui. Voilà. Hier, notre aventure d'hier. Oui, de hier, oui. Voilà, donc en attendant, on va s'écouter d'abord une petite nouveauté avec Abductum. L'album s'appelle Behold the Man. Et on va s'écouter le titre éponyme de cet album. We'll be right back. Voilà, donc c'était Abductum avec Behold the Man. C'est pas mal du tout, du tout, du tout. Voilà. Oui. Alors, aussi, j'ai oublié, on a un méga concours organisé par, en collaboration avec Live Nation pour le Rock Tribute Show qui aura lieu le 8 novembre au Casino de Paris. Paris, voilà. Et on a 2 fois 10 places à vous faire remporter pour ce show. Et en plus, ce sera présenté par nos amis. De Fernando Rock Show, Marcus et Spencer, les petits copains. Les petits copains, oui, c'est des petits copains, mais des grands, grands amis au grand cœur. Oui, voilà. Et voilà, donc ils seront présents et c'est eux qui présenteront le show donc au Casino de Paris. Alors, c'est l'hommage aux légendes du rock. Alors, c'est un tribute. Oui, alors, on a Riff Raff, qui est un tribute de AC/DC. Oui. Hein. Satisfaction, qui est un tribute des Pierre qui roule, Namaste Pamouste. Rolling Stone. Voilà. EZ Top. ZZ Top. Voilà. Et Les Grandes Gueules, qui est un tribute au grand groupe de Trust. Voilà, au Trust. Donc des tributes. Et surtout, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il y aura Norbert Di Nonno, qui est bien entendu le guitariste de Trust. Donc voilà, donc il sera là aussi dans la salle. Donc c'est simple, pour remporter, ben nous on vous demande pas grand chose ici dans Rive d'Enfer. On vous demande juste d'envoyer des messages sur la page Rive d'Enfer en message privé. Donc vous trouverez ça sur Rive d'Enfer, bien entendu, la Facebook Rive d'Enfer. Ou alors sur, vous pouvez envoyer un petit email hein, sur rivedenfer.rqc@gmail.com rivedenfer.rqc@gmail.com Riff avec deux F bien entendu et voilà ce sera remporté donc n'hésitez pas c'est en collaboration bien entendu avec Live Nation et je remercie Myriam Astruc de nous faire confiance sur ces coups là. Alors on continue avec le New Testament. Wow. L'album s'appelle Brotherhood of the Snake. Et on va s'écouter Seven Seals. Franchement, c'est du grand, grand, grand Testament. Comme on l'aime. Comme on l'aime. Rien à dire, c'est du Grand Testament avec Seven Seed. L'album s'appelle Brotherhood of the Snake. Et bien alors, bonsoir Sylvain. Eh bien, bonsoir Monsieur Scream, bonsoir Slasher. Bonsoir. Et bonsoir cher auditeur, auditrice. Voilà, donc elle est arrivée et je crois qu'elle nous a apporté un peu de chaleur. Mais malheureusement, il fait quand même froid, il pèle dehors. Ouais, il fait froid. Il pèle dehors. Chez nous, il fait froid, ça y est. Voilà, ça commence, ça commence, comme on dit dans le Nord. Voilà, donc j'ai lancé le concours, hein, si vous voulez remporter des places, deux fois deux places, ben voilà, le concours est lancé, soit sur Facebook ou sur rivedenfer.rqc@gmail.com. Donc c'est un concours pour le tribute avec AC/DC, ZZ Top, les Rolling Stones, à Paris, au Casino de Paris. Paris, Latino. Paris, c'est un mardi, le mardi 8 novembre. Donc c'est plus les Parisiens, hein, pas de problème. Si vous gagnez le concours, on n'a pas besoin de vous envoyer les places. On sait comment faire pour vous, que vous n'ayez pas de soucis pour rentrer gratos, bien entendu, si vous remportez ces places. Et on ne pose pas de questions, il suffit tout simplement de nous envoyer un petit mail. De super sympa et vous gagnerez directement deux places. Voilà, et on remercie Myriam Astruc et Live Nation de nous faire confiance sur ce coup-là. Et oui, merci Myriam. Voilà. Donc, comme je disais avant de prendre l'antenne, enfin, quand on a pris l'antenne, pardon, parce qu'avant j'aurais eu dur de le dire. Donc, il y a notre. Qu'as-tu ressenti en voyant pour la deuxième fois. YNT, donc Yesterday and Today. YNT, yeah. Non, ça c'est autre chose. Quoique, c'était pas mal à l'époque. Ah, écoute, les Yesterday and Today et aussi Iron Mask, qui était un groupe belge, on tient bien à le signaler. Oui. Voilà. Donc, quel est votre ressenti à tous les deux? Bah, moi, comme d'habitude, la claque pour YNT. Iron Mask, on va dire que c'est une découverte, vu qu'on l'a pas encore vu, mais on connaissait le groupe. Voilà. Et donc c'est aussi une bonne claque, franchement, c'était un très très bon concert, voilà. Voilà, et toi Sylvain? Moi je n'ai pas été déçu de YNT, bon la première partie non plus, mais bon comme je t'ai dit dans la salle, les boules, tu sais que dans leur pays, qui est-ce qui a ouvert la première partie de YNT? C'était... Ah ouais, mais bon, on peut pas tout... Mais imagine... Ah non, en Suisse? Ah, dans leur pays. Ah ouais, ensuite. Imagine Cyburn à 2 crones. Serait-il le feu? Bah oui, mais bon, Iron Mask a assuré aussi, voilà. Oui, bon, voilà. Je crois qu'il y a mon. Serait-il le feu? Oui, mais. Ah ouais. Je suis là. Oui, mais je veux dire, je ça crois que... Ça suivait vachement, puis c'est vachement... C'est une question, à mon avis, économique. Ils, font, ils prennent des groupes de locaux pour amortir le coût. Hein. Tu sais, après, bon, Sideburn, ou n'importe qui, il faut les loger. Il faut les loger aussi, parce qu'ils ne reprennent pas la route directement pour la Suisse. Hein. Tandis que là, bon, Anderlecht, une heure de route, ils y sont. Hein. Voilà. Mais enfin, bon. Moi, personnellement, j'aurais préféré ça. Voilà. Ça, je te l'ai dit. Hein. Ouais, ouais. Mais sinon, un bon show, encore une fois, ouais, The Crane oui. complet. Hein. C'était bien. Encore un The Crane complet. Non, non, génial. C'est ce que je te disais hier quand on parlait. C'est bien la preuve que les vieux attirent toujours un public. Je tiens bien à le signaler. Quand, j'ai rien contre. On a pris notre pied aussi avec The Agonist. On a pris notre pied aussi avec Hardcore Superstar. Mais on a eu un The Crane à moitié rempli, si pas un quart. YNT, deux fois qu'on les voit sur The Crane, deux fois qu'on jette une pomme, elle ne tombe pas par terre. On voit un Lordi pour le show, ça la pomme, elle ne tombe pas par terre. Tous ces vieux groupes-là, on ne voit rien du tout par terre. Voilà quoi. Donc, moi, c'est ce que je me dis, le vieux hard n'est pas mort. Et puis voilà quoi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on a pris notre pied. Et bien entendu, vous allez découvrir, bien entendu, le Live Report bientôt. Parce que bon, j'ai un peu pris du retard, je tiens à le dire. Mais on en retrouvera le Live Report de Lordi, ainsi que l'interview et le Live Report de YNT. Et l'interview de Mask. Ouais, et oui. Normalement, l'interview de normalement. D'Inglorious aussi. Oui. Voilà. Bon, on a un peu de temps devant nous. Rien ne sert de courir. Faut arriver, t'attends. Voilà. Allez, on va continuer. Et là, je vais rattraper un peu mon retard, car la semaine dernière, si vous vous souvenez, et tu te souviens aussi, on a eu El Butcho au téléphone. Oui, voilà. Et j'ai été pris au dépourvu. Je leur avais promis qu'on allait jouer les morceaux de leur album, qui s'appelle Better Ray. Et on va s'écouter Never Ever. Et on se retrouve tout de suite après, les amis. We'll be right back. Voilà. Yann Armelino et El Bucho, extrait de l'album Better Ray, et on s'écoutait Never Ever. Voilà. Il est l'heure de passer à la Slasher Song. Et alors, oui. Slasher, tu nous as choisi quoi et pourquoi, avec qui et comment? Voilà, c'est. Wow. Et en quelle tenue? Et en quelle tenue, voilà. Et... quelle chaussette? Voilà. Alors. Juste moi, un petit pot vert, voilà déjà. Non, je... voilà. Donc, c'est un groupe brésilien. Est-ce que vous avez déjà une petite idée? Moi oui, mais donc je vais pas répondre. Est-ce que t'as une petite idée, Valérie, d'un groupe brésilien de power metal? Non. Bah c'est tout simplement Angra, donc qui est un groupe, comme je le disais, de power metal progressif qui était formé en 1991 et donc dans les membres il y a Kiko Loriero à la guitare. Il y avait Kiko Loriero à la guitare, donc qui est maintenant le guitariste de Megadeth. Ouais. Raphaël Bettencourt à la guitare, Bruno Valver à la batterie et aux percussions, Felipe Andreoli à la basse et Fabio Eleon vient tout juste de quitter le groupe, donc voilà. Pour l'instant le chanteur on le sait pas trop, voilà. Donc voilà. Et donc là on va s'écouter le titre. Non, attends, excuse-moi, c'est moi qui me suis trompé tout à l'heure, qui était en erreur. Il a quitté Symphony X. Voilà, donc c'est pour ça. Il est chez Angra à temps plein maintenant, voilà. Donc Fabio. Donc il est chez Angra. Et donc là, on va s'écouter le titre Time de l'album Angel Cry qui est sorti en 1991. Voilà, donc on y va alors, on écoute ton... Donc c'est Angra avec la chanson Time. Voilà, et c'est ta Slasher Song alors. Hein. Oui, bien sûr. Voilà, c'est parti. Alors, c'est le Slasher sur RQC 95 FM. Sur Rêve d'enfer. Et là, on va s'écouter ma Slasher Song. que c'était Angra avec le titre Time. Voilà, et là c'était avec Andrea Matos qui pour moi est une grande voix aussi. Oui, c'était une très très grande voix aussi. Voilà, qui a partagé la scène avec Ed Guy et tout. Oui, donc c'était le titre Time, extrait de l'album Angel Cry. Voilà. Bon choix. Ça change. Ouais, ça change un petit peu. Le slasher, il nous fait de tout, lui. Ouais, il nous passe du death, il nous passe de tout. Bah, c'est bien. Il nous mourra moins con que nous, comme on dit. Il aura tout essayé. Enfin, tout écouté, plutôt. Tout essayé. Il est encore jeune, on sait pas. Il est encore jeune. Mais bon. Alors, nous, on va s'écouter. Justement, on a parlé d'Iron Mask. Et pendant le set hier, il y a une chanson qui m'a vraiment plus marqué que d'autres, quand même. Je tiens juste à dire aussi, on a oublié de dire que dans AYNT, Monsieur McInnes, Dave McInnes, a rendu hommage avec son ancien batteur. Et c'était quand même un moment émouvant parce qu'il n'a pas pris sa gratte. Et il a pris le micro, il a chanté comme ça, et moi, ça m'a quand même mis les tripes, quoi. Voilà, quoi. Et on voit bien qu'il y tenait quand même fort. Même, c'est parce que... Je suppose qu'il a passé des bons moments, que c'était son ami aussi. Mais c'est ça qui est bien aussi, quand un groupe split pour telle ou telle raison, ils portent quand même dans leur cœur les gens, même si c'est des fois des conflits, comme je parlais le mercredi dans Backstage, de conflits de fric, parce que généralement les groupes en viennent souvent à ça, à splitter pour des conflits de pognon ou des vies de famille, parce que c'est dur sur la route sans voir sa famille et tout pendant X temps. Y a quand même un amour, on n'oublie pas les amis, les gens qui ont aidé à fonder un groupe, et voilà. Donc un moment assez émouvant. Voilà. Allez, parle musique maintenant, c'est peut-être mieux. Justement, on va s'écouter Iron Mask avec la chanson Crystal Tear. C'était la deuxième du set. À mon avis, ça va te marquer dès que je vais la passer. Et après, j'ai annoncé aussi qu'on aurait ta Sylvain Song. Mais là, par contre, je vais dans l'inconnu. Ce ne sera pas avant 21h30, comme d'habitude. Mais à mon avis, avec une bonne surprise aussi. Voilà. Je vais t'en mettre une droite là. Non, mais c'est avec une bonne surprise à mon avis. Comme toujours, hein, on a des découvertes chez le slasher, des découvertes chez toi. Comme je me rappelle, il y a un bon petit mois, tu nous avais fait découvrir le guitariste de. Comment de Rammstein. Rammstein, voilà. Donc, à chaque fois, j'ai des découvertes parce que, bon, on n'a pas la science. Ils sont un groupe émigrate qui a fondé lui-même, quoi. Ouais, on n'a pas tous, on connaît pas tout, et c'est bien parce qu'on est à trois, on se partage des choses. Même le slasher du C'est trois pommes, il nous fait découvrir des choses. Hein. Allez, Iron Mask avec Crystal Tear. Je tiens juste à vous dire aussi que Iron Mask, le premier album, est sorti avec notre ami Philippe Le Tao. Voilà. Et normalement, si tout va bien, on recevra le groupe Iron Mask d'ici quelques temps en studio. Voilà. Allez, c'est parti. Yeah. Voilà, Crystal Tear, extrait de leur album Horde on the Braze. C'était Iron Mask, voilà. Oui, voilà. Donc, très pompé Malmsteen. Hein, Ouais, non, c'était bien. Hein. Bon, voilà. C'est vrai que ça vaut le coup. Ouais. Oui, c'était excellent. Mais bon, c'est vrai que. Bon, ils se décarcassent quand même, quoi. C'est les pas garçons, évident. Mine de rien, c'est ouais. sûr. Mais c'est pas évident. Maintenant, musicalement, il faut vraiment être né à la bonne étoile, comme on disait la fois dernière. Et je trouve qu'il faut avoir un coup de chance aussi, je un pense, coup de chance. Comme dans tout. Un coup de chance et. Un coup de pouce, peut-être. Ne rien avoir sur le côté. Ouais. Se consacrer à 100%, même à 300% à la musique. Coup de chance, relation, beaucoup aussi. Et puis. Je veux dire, il faut se consacrer à 300% à ça, et maintenant, pour pouvoir vivre et manger ton beefsteak, ben, il faut. Voilà, et ils ont peut-être besoin de bosser aussi, et c'est pas évident. Nous, on connaît des amis, hein, comme Garage Day ou quoi, qui sont obligés de bosser autre que leur musique, et ça leur prend du temps, et ils peuvent peut-être pas se mettre sur des routes tout le temps non plus. Bah, quoi. C'est ça. Voilà. Et puis, je pense que quand tu veux trouver un label, ça doit coûter cher, hein, non ? Ben, je sais pas comment ça se passe. Ça dépend. Le label, il les signe, puis il va avancer, il va banquer, ou il va organiser une tournée, un pressage d'album, un studio. Ça, c'était la bonne époque. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont peut-être faire ? Ils vont peut-être dire, on met une partie, vous mettez le reste. Regarde, le Garage Day a dû payer. Ils ont dû eux-mêmes payer leur tournée pour être avec Udo, quoi. Ben voilà. Udo, on joue avec toi, d'accord, mais on paye. Je sais pas quand ils enregistrent un album, comment ça marche. Ben, ils payent les heures de studio. Donc voilà. Je sais pas du tout après. Ben, ça dépend du studio, ça dépend qui est derrière. Label aussi, je suppose. Ouais. J'en sais rien. Si c'est autoproduit, ils font tout eux-mêmes. Si le label, ils vont mettre une partie. Maintenant, après, il faut aussi payer l'ingé son. Payer les producteurs qui sont derrière, qui vont mixer, tout ça, ou alors ils font tout eux-mêmes. Mais quand tu sais ta musique, c'est bien. Mais après, il faut connaître aussi les astuces du mixage pour avoir un son nickel. Je prends l'exemple, par exemple, le mec qui a produit, qui produit Def Leppard, il va pas demander 1000 euros. Hein. Bah, je suis pas et étonné, hein. Voilà, c'est ça coûte de. Là, c'est des sacrées maisons de disques. Ouais, c'est même pas. C'est après, ils peuvent être sur n'importe quelle maison de disques. Le mec à la table de mixage, il peut travailler pour Imai, il peut travailler pour Universal, il peut travailler pour n'importe qui. Lui, ce qu'il va demander, c'est son cachet, ses heures de présence au studio. Si c'est par exemple 200 000 euros, c'est 200 000 euros, puis point barre, quoi. Moi, j'avais demandé pour un groupe ici, on m'avait demandé, c'était 450 euros l'heure. Tu t'imagines ? Bon, c'est une personne qui avait produit quand même Channel Zero, pour ne pas citer le nom. Mais bon. 450 euros l'heure. On a sonné toc toc. Ah, un invité surprise. Voilà. Oh, allez, nous on va continuer. Ingrid Malmsteen. Ingrid Malmsteen, non. C'est Ingrid qui vient nous voir. Heaven Below avec Renegade Protest Movement. C'est le titre qu'on va s'écouter. L'album s'appelle Good Morning Apocalypse. Eh bien, on espère de le laisser très loin, l'apocalypse. Donc, de Good Morning. Allez, c'est parti avec Heaven Below. You want it hard and loud, let's start this rebellion. Focus your anger now. Come join the renegade protest movement. We'll burn it to the ground. Now, hear the sound of my voice calling lies. They thought we'd forget somehow, but the truth. focus your anger now. Come join the Renegade Protest Movement. We'll burn it to the ground. You want it hard and loud. Let's stop this rebellion. Focus your anger now. Come join the Renegade Protest Movement. We'll burn it to the ground. You want it hard. You want it loud. Heaven Below avec Renegade Protest Movement, c'est bien ça. Ça c'est bien, excellent. Ça j'aime bien. Mais par contre, le titre de l'album, Good Morning Apocalypse, on va le laisser. Même si on n'en est pas loin, on va la laisser l'Apocalypse. Hein. Mais c'est bien, ça bouge, hein. C'est canon. Hein. Ben, ça c'est une petite découverte de ce matin. Enfin non, allez, ouais, je vais t'avouer, vers 16h. Bon. J'ai programmé ça vers 16h. Mais ouais, bon, le retard, tu sais, on a fait farniente, on est en vacances, donc on a un peu fait farniente. On a eu de la chance, on est en vacances. Voilà. Alors, le prochain, bah, c'est pas mal du tout, c'est sorti chez MEO Music. L'intro, ça va faire penser à des gens qui ont travaillé avec nous, entre guillemets. Crime, donc ex-Philippe Letao. Oui. Et l'intro batterie, franchement, c'est une intro que Crime avait créée. Ça nous avait vraiment fait penser. Ouais, dans les années... On s'est dit, Crime, dans les années 90, avec Crocodile Pit. Mais c'est pas ça du tout. Et c'est vraiment l'intro de batterie, quoi. Et c'est une bonne petite découverte aussi. Ça aussi, ça va te plaire. Et le titre s'appelle 2014, tout simplement... 1044, et l'album s'appelle Upside Down. C'est pas un titre de comme il chantait le slasher dans la voiture, Upside Down de Diana Ross. J'avais ça en tête en plus, comme maintenant. La pochette, je l'aime bien, elle est vraiment super sympa. Je vais arrêter parce qu'ils vont mettre dans une émission années 80. Oh, tu peux, il y en a une tous les mardis de 19h30 à 22h, si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'est ça. Voilà, allez, c'est parti, et franchement. Vous me direz ce que vous en pensez. Yeah! Alors c'est pas mal, hein. Ouais, c'était excellent. Ça a bougé super bien. Ouais. Voilà. Ouais, le slasher est en train de bouger. Toi j'attends aussi. J'attends qu'il va faire sa chronique d'album et hop, je vais lui piquer. Voilà. Parce qu'il a du retard, l'air de rien. Tonton Roger l'a massacré. Je suis débordé. Il est débordé, le petit slasher. Aidez-moi. En plus de ça, il en a encore fait une aujourd'hui, mais je ne vais pas trop lui lancer des fleurs parce qu'après, il ne foutra rien. Et le compositeur du groupe lui a demandé bah, écoute, est-ce que tu as mes deux premiers albums? Le slasher a dit bah non, je ne les ai pas. Mais ça ne fait rien, je vais te les envoyer, comme ça tu pourras faire une chronique aussi, c'est tellement mignon. Voilà, c'est bien, il devait avoir du taf, quoi. Voilà. Allez, le prochain, bah, c'est Hardline. Ça aussi, vous allez aimer. En plus, j'en profite parce qu'il y a Lily Sou qui est là en studio. Et elle, je sais bien. Et toi aussi, je crois Ex, que tu. Mademoiselle Sclumette. Oui. Et oui, toi, voilà. je crois que tu l'as vu aussi, ce chanteur. Moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de le voir. Toi, tu l'as vu en chair et en os. Non, il m'a pas donné d'or, hein, encore. Et Lily Sou adore le chanteur. Elle adore son timbre de voix. Toi, tu l'as vu en vrai. Et tu as vu son guitariste qui est passé à côté de toi. Et tu m'as même dit. Il est très stylé, il fait très propre sur scène, même à côté de moi. Ça te dit? Ah, je vois qui je sais plus son nom, le Blondinet. Un Blondinet. Oh, j'ai regardé son t-shirt. Il vit dans un château. Oui, en Allemagne. En Allemagne. Oh mon Dieu, c'est de. Axel Rudipel. Voilà, merci, Axel Rudipel. Voilà. Et là, il a fait le chanteur a fait donc le chanteur d'Axel Rudipel a fait un groupe. C'est déjà donc le chanteur qui s'appelle John. Non, Giacomilli, c'est un Italien. Un truc comme pas ça. John. Non, je dirai le nom après. Attends, je vais regarder. Ouais. Et le groupe s'appelle Hardline. Et on va s'écouter Nobody's Fool. C'est extrait de l'album Human Nature. C'est nouveau, c'est tout frais. Oui, t'as raison, c'est un italien. Oups. Oups. Non, il s'appelle pas Oups. Sinon, ce serait Oupsie. La façon italienne. Oupsie. Voilà. Mais très sympa aussi. Et on va s'écouter donc Nobody's Fool. Et c'est de l'album Human Nature. Encore une petite nouveauté. Et on remercie aussi AFM Record de nous envoyer ces petites perles. Ça fait toujours plaisir à écouter. On vous donnera le nom tout de suite après. Parce qu'on ne peut pas tout retenir comme ça. C'est pas évident. Il s'appelle quand même Johnny. Johnny Miercoli ou Miolini. Il y en a beaucoup qui l'appellent John. John, voilà, c'est ça. Donc voilà, j'étais pardon. Ouais, t'étais pardonnable. Voilà, sur ce, hop, tournée générale. Allez. Pour toi. Ah oui, je dois toujours des donuts. Allez, Hardline, c'est parti, Nobody's Fool. Yeah. You made no peace at all. Break Alors. Ah, ça, c'est super. C'est super, hein. Ah, c'est... oui, génial. Ah, oh, oui, génial. C'est Art 9. Ouais. L'album s'appelle Human Nature et c'est Nobody's Fool. Voilà. Moi, j'adore. J'adore aussi. Je signe à deux doigts. Mm. Voilà, je signe à deux doigts. Donc voilà, le prochain, c'est un live, c'est Secret Sphere. L'album s'appelle One Night in Tokyo. À mon avis, c'est enregistré à Tokyo. Je suppose. À moins que c'est enregistré à Louvain. Bah bon, à mon avis, pourquoi il aurait pris Tokyo ? On sait jamais. Hein. Et on va s'écouter Healing. Et après, ce sera peut-être l'heure de la balade crapuleuse. Voilà. On rappelle le concours pour emporter deux fois 10 places pour le Rock Tribute Show. Qui voilà. Est au Casino de Paris. Avec quoi comme tribute ? Allez, on va faire le tour. Riff Raff. Il y a ZZ Top. Oui. Les Rolling Stones. Rolling Stone. Et il y a moi. Et il y a Sylval. Et il y a Trust aussi. Et c'est, wow. Et c'est présenté par nos amis Marcus et Spencer. Je vais pas dire. Je vais dire comme il faut nos deux mupettes. Voilà. Parce que les poupées, ils avaient été vexés. Ils avaient été vexés. Les peluches, ils avaient été vexés. Les peluches et à nos amis les poupées. Allez, c'est quoi de se faire, Healing the Dudzid. Life. Secret Sphere avec Healing One Night in Tokyo, c'est le titre de l'album. Il est 21h dépassé de 2 minutes à l'heure de notre studio. C'est l'heure de la balade crapuleuse. Et là, je vous ai choisi de passer Casanova. Et non, il va pas venir en studio, Casanova. C'est un vieux groupe et on va s'écouter I Believe in You. Ça m'a inspiré en entendant une chanson que j'apprécie très fort qui a été jouée hier. Et on va s'écouter donc cette chanson, la balade crapuleuse I Believe in You, et sur l'album pardon, One Night Stand, extrait de cet album qui est magnifique. Donc voici les Casanova. I never cried that much since the day that we were out of touch. I'm trying to forget, trying not to be too upset. Love's pushing me too far. I drown my trouble in a whiskey jar. I'm trying to forget those sleepless nights we had. Should you ever feel alone again, come back to me. After all, you should know by now I'm in love with you. I believe in you. No matter what you do, I believe in you. And I swear it's true. No matter what you do, I believe. Change my mind. I'm gonna settle for less. After all, you should know by now I'm in love with you. I believe in you. No matter what you do, I believe in you. And I swear, I swear it's true. No matter what you do, I believe in you. And it seems to be like yesterday that you came into my life. No matter what we try to do, our love just slipped away. Shall we? Someday, don't you take it all away. And I believe in you. No matter what you do, I believe in you. That's why I swear, I swear, I swear it's true. No matter what you do, voilà, c'était les 5 Casanova. Les 5 Casanova, voilà. Voilà. Donc, voilà, ça vous a plu en en question de balade, hein, donc c'est une petite balade avec le titre tout simplement I Believe in You. Donc c'était la balade de ce lundi. Je rappelle le concours, hein, pour emporter des places, hein, c'est simple, c'est rivedenfer.rqc@gmail.com ou tout simplement un message sur la page Rive d'Enfer en MP et vous remporterez des places. Vous tracassez pas, il n'y a pas besoin de venir chercher les places ni rien, on vous donne les noms. C'est à et Paris. Vous passez au guichet, hop, comme voilà. D'habitude. C'est au Casino de Paris et ça en vaut la peine. Franchement, ce serait à la porte à côté, on y serait déjà, ça c'est sûr et certain. Voilà. Alors, les Casanova. Mais c'était bien. Hein. C'était bien. Hein. Oui, voilà. En plus, c'est le look que tu apprécies. Mais bon, malheureusement, sur le PC, on ne le voit pas. Voilà. Où j'allais dire une bêtise. C'est le titre I Believe in You. C'est encore des groupes qui ont marqué notre génération, hein, tout ça. Là, on poursuit encore. Quand je dis que le slasher a du boulot, il a du boulot. Là, c'est Tonton Roger qui nous a envoyé. Le groupe s'appelle Flaghead. Et le titre de l'album s'appelle Rock or Die. Et on va s'écouter 11 Million. Et c'est franchement bien, bien, bien foutu. Enjoy the ride of the human drought, the engine figure it out. Alors là, je crois que j'en ai fait des heureux, hein. Oui, bah, comment t'as je suis obligé de rire. Flagged, l'album s'appelle Rock or Die. En plus, tu vois, une bonne tête de mort, un peu rock'n'roll. Ouais, là. Ben ça, j'adore. Les Bikers, l'album s'appelle 9 Million. Mm. Le titre qu'on a écouté, c'est 11 Million. Ouais, ça, voilà. C'est vraiment ma cam. Ta cam. C'est vrai. Hein. Nous ne sommes pas drogués ici en studio sur RQC95 FM. C'est notre cam, c'est la musique. Et c'est voilà. La meilleure des cams. La meilleure des cams qui ne fait pas d'effet secondaire. À part du bow and bending. Voilà, justement, fais des bow and bending près de trucs, tu auras mal à la tête. Hein. Voilà. Non, mais c'est très très bien. Et on remercie tonton Roger de nous faire confiance. Ah nous ouais, là. Des galettes tonton Roger. Voilà. Flagged. Ah. Allez, le prochain, par contre, c'est A Day to Remember. Exposed, l'album s'appelle Bad Vibration et on se retrouve tout de suite après. C'est autre chose. Vous êtes bien branchés sur RQC95 FM avec vous jusque 22h. On a le slasher et moi et Sylval. Et moi, c'est Sylval. L'émission arrive d'en faire. Voilà. Allez, c'est parti. Voilà, c'était A Day to Remember, Exposed, extrait de l'album Bad Vibration. Ça déboîte quand même bien les ménages comme ça. Encore une petite nouveauté avec Taman Scud. Moi j'aime bien la pochette, c'est assez marrant. Un chien cyclope. Un chien cyclope avec un effet d'optique dans son œil et en arrière-plan et aussi derrière. Ouais, c'est bien. Hein. Et là, c'est sorti chez M.E.O. Music. Et on va s'écouter The Last Effect. Et on se retrouve tout de suite après. Ça, c'est un peu plus Stoner Doom. Une ambiance que j'aime bien aussi. Voilà. Ah là là, C'est pas mal du tout. Moi, j'aime vraiment bien cet Amman's Cud avec Last Effect. C'est du stoner. Moi, j'aime vraiment, vraiment bien. C'est un peu lourd et ça me botte. Oui, moi aussi. Voilà. Alors, le prochain qu'on va s'écouter, juste encore deux titres, après, ce sera le tour de Sylvelle. Okay. Et on va s'écouter Deaths and Legacy avec What Never Will Be. C'est un single car l'album n'est pas encore arrivé. On va s'écouter ce single et on se retrouve tout de suite après. Voilà, juste à l'instant, c'était Death and Legacy avec What Never Will Be. Petite nouveauté qui fait très très mal quand même. Hein. Oui, voilà. Alors, Apomorph. Est-ce qu'elle est bien petite fille? Alors, Apomorph, c'est encore une petite nouveauté qui. La pochette, elle est sur la page Rive d'Enfer. Vous savez maintenant, vous êtes habitué, hein, vous pouvez retrouver les pochettes sur la page Rive d'Enfer, comme ça nous donne un peu aussi une idée. si vous vous promenez dans, dans une bonne boucherie pour retrouver le CD que vous avez aimé. L'album qu'on va s'écouter s'appelle Amist This Crazy et on va s'écouter Diamond in Disguise. Et oui, les démons, ils se déguisent souvent. voilà. Ça me rappelle un vieux générique. Transformers, Robot in Disguise. De quoi ? Ça me rappelle le vieux générique de Transformers, le dessin animé. Robot in Disguise. Transformers. Ah, oui, vieux, d'accord. Vieux dessin animé. Oh là là. Oui, oui, il n'est pas doué pour le chant. Hein. Enfin, okay. Joue de la guitare, c'est mieux. Allez, Apomorph. Et pour après, tout de suite après, ce sera la Sylval Song. Le tour de petite fille. Un petit morceau un peu plus calme quand même, c'est Apomorph avec Diamond in Disguise. Ben, franchement, j'aime vraiment bien, ça change un petit peu. Voilà. Alors, il est l'heure de retrouver la Sylvalsong. Eh ben oui, et mais alors, c'est pas c'est... une surprise parce que voilà, vous avez été voir mon album. Non, non, mais si, non. Ben, pour les auditeurs aussi, c'est une surprise, c'est une découverte aussi, ou oui. C'est une redécouverte pour certains. Oui. Voilà. Donc... Vous êtes des tricheurs quand même. Ah non, c'est lui, moi j'aime je lui de loin. Je ne sais jamais vos balades, ni rien du tout. Bah alors moi, il faut toujours qu'ils vont fouiller dans mes affaires. Bah, je te l'ai dit, je vais te dire un truc, franchement, le titre que tu as mis, je ne connais pas plus que ça. Sincèrement, j'ai peut-être entendu une fois, je te le dis honnêtement. Non, non, je veux, elle est connue. Ah oui, mais je veux dire... voilà. Ben par contre, moi je sais ce que c'est, mais les auditeurs ne savent pas. Ils ne savent pas. Eh ben écoute, moi je suis toujours restée dans l'ambiance. Ben écoute, moi je vais te mettre un Cyborne. Comme je ne les ai pas eu en première partie de YNT, voilà. Ouais. Franchement, ça me manque. Il me manque un petit peu les Cyborne. Mm-hmm. Et j'ai choisi la 14e chanson, Rockstar. Ouais. Ah ouais, elle est très bien cette chanson. Ouais. Rockstar, que je peux conseiller si vous n'avez pas vu le film, c'est aussi un film oui. Rockstar avec Monsieur Wahlberg, parce que bon, c'est le titre, et il est un peu dur à trouver ce film, et je vous le conseille. Franchement, il est super bien, comparé à certains films comme Spinal Tap, où ils se foutent de la gueule des métalleux. Mm-hmm. Là, c'est vraiment très très bien foutu comme film. Voilà, juste une petite parenthèse. Ouais. Non, moi, donc pour en revenir, j'ai mis mon petit groupe suisse que j'aime bien, les Cyborn. En plus, on les connaît j'espère bien. J'espère qu'ils tourneront bientôt. Ouais, à mon avis, on pourra les voir. Dès qu'ils ont terminé l'album, à mon avis. Je pense qu'il va sortir là pour fin d'année. Ça sera le moment que tu me le payes pour mon Noël. Oui, vu qu'il l'avait dit pendant l'interview, il me semble. Ouais. Voilà. Oui, il l'avait dit. Eh ben, donc je te laisse annoncer. Donc Cyborn avec le titre Rockstar. Waouh. Eh oui, les métalleuses et les métalleux, c'est l'heure de la Sylvalsong. The long way. Alors. Alors, c'était Cyburn avec le titre Rockstar. Voilà. Wow. De leur dernier album, enfin, dernier pour l'instant, Electrify. En plus, on s'imagine avec cette chanson, qu'on sait une tournée, quoi, franchement. On voit une tournée défiler devant ses yeux, quoi. Mmh. Il est fort imaginatif, hein, quand même, le slasher. Mais comme toi. Mais comme moi. Voilà. Ouais. Donc, c'était le choix de Sylvain, c'était ouais. Sylvain Song. Voilà. Allez, on parlait justement aux antennes, il y a un album qui va arriver incessamment sous peu. Bah écoute, normalement, dans les dernières news, oui. Voilà. Mais tu sais, des fois, ça prend quelques retards. Ouais, de toute façon, tu nous tiendras en courant. Hein. Tout à fait. Voilà, et je vous rappelle, si vous voulez aller voir la page, c'est Sylval qui gère la page française. Oui, le fan club français, sinon ils ont une page officielle à eux. Et après, il y a le fan club français où tout le monde donne son avis. Voilà, et ça, c'est toi qui gère cette page. Voilà. Ça et Garage Days. Et Garage également. Days, voilà. Nos petits Autrichiens, c'est ça? Oui. Nos petits Autrichiens avec... Marco. Marco, voilà, Marco. René, Dominique et Mathias. Mathias. Mathias, ça fait vraiment plus autrichien que Marco. Écoute, voilà. Marco voilà. Peut-être d'origine italienne, hein. Peut-être, voilà. Des gens super sympas en tout cas. Moi, je vous conseille, s'ils passent par de chez vous, faut pas vous gêner, vous pouvez discuter avec groupes, eux. Les deux groupes, que ce soit Cyburn ou Garage Days, bon, deux personnages totalement différents, voilà. Hein, on peut pas dire. Mais super gentils et le cœur sur la main, quoi, c'est ça, vraiment... Ouais, tout à fait, je suis d'accord avec toi à 300%. Là, on va partir Günther Sirène, mais c'est pas du. C'est le titre, le nom du groupe, Günther Sirène, avec In Street Embrace. L'album s'appelle Phantom Pain. C'est tout de suite, c'est maintenant. Et on se retrouve tout de suite après. I jumped off, light shining from a pavilion. Just as the moonlight gets so dim, I'm tied down with sense walls. Consciousness brings only a chill. I fall for the time. Will somebody set me back on my we Juste à l'instant, c'était Günther Sirène avec In Street Embrace. Pas mal du tout, moi j'aime vraiment bien. Oui, c'est du très très bon même. C'est du bon, hein. Oui, c'est très très bon. Du très très bon. C'est du très très bon. Voilà. Le prochain qu'on va s'écouter, parce qu'on arrive tout doucement vers la fin de l'émission, hein, je vous rappelle juste que samedi prochain, bah, si vous voulez voir l'équipe de Rive d'Enfer et même des concerts, on sera au Kraken Festival. Oui, Kraken, voilà. Festival. Donc il y aura en tête d'affiche, il y a Dagobah. Blazer War Machine. Et plein d'autres groupes. Si vous n'avez rien à faire, ben, venez-y nombreux pour faire plaisir aux gens qui se décarcassent à faire quelque chose, parce que c'est vraiment, vraiment pas évident de nos jours d'organiser des concerts ou alors encore moins des festivals avec des affiches telles qu'on vous la propose. Donc voilà, donc n'oubliez pas, donc, c'est le Kraken Festival. Avec quand même de nombreux groupes. L'ouverture des portes aura lieu à 13h. Non, l'ouverture à 12h ou 12h30, si mes souvenirs sont bons. L'ouverture, ça va commencer à 13h. Voilà, donc. Le premier groupe joue à 13h30. Oui. Et après, ben, ça s'enchaîne, c'est le cas de le dire. Ça s'enchaîne. Yes. Titre de Van Halen aussi, qui était extrait de l'album Fair Warning. Mais bon, on ne va pas rentrer. Non, il n'y a pas Van Halen. Non, il n'y a pas Van Halen. Non, non. Mais, on va vous dire, je suis en train juste de prendre la page. Oui, donc les préventes, c'est à 15€. Et oui. Sur place, ça sera 20€. Voilà. Et alors, au Kraken, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, moi, je vais vous le dire. Le premier groupe, c'est Things of El Gorithm. Oui. Le deuxième, c'est Eros. C'est un groupe français. Ah, je croyais que c'était Ramazzotti. Belge. Je croyais que c'était Ramazzotti. Donc, le deuxième, Eros. Oui. Donc, France. Le dieu de l'amour. Donc, il y a de l'amour dans l'air. Peut-être ce soir. Non, pas ce soir, mais samedi soir. Au Kraken Festival. Après, il y a Schenner, donc groupe suisse. Mm-hmm. Alliance, donc tu vois, Alliance. Mais... Donc c'est bien un place d'Iron Maiden. Mm-hmm. Et c'est un groupe belge. Donc après l'amour dans l'air, il y a On s'offre les alliances avec Alliance. Voilà. Benedicted Soul. Qu'on a déjà vu, je crois, oui. C'est un groupe français. Oui. Blixem, groupe belge. Groupe Bled. Ça peut arriver. Groupe qui est du bled, voilà. Du bled de la Belgique, voilà. Ouais. Après, il y a Blazing War Machine, groupe français. Oui, donc le nouveau projet, le side project de M. Costanza, oui. Ancien batteur de Dagobah. Franky. Oui. Et après, donc, il y aura les Dagobah. Voilà. Donc, venez-y nombreux, hein, voilà. Nous, on y sera. Et on espère vous voir nombreux. Allez, on poursuit avec L. Royce, avec Voodoo Rising, extrait de l'album Black Sin of Bourbon. Et on aime le Bourbon, on aime pas. Moi, je tiens pas trop Bourbon. Je préfère le Sky que le Bourbon, voilà. Get ready to ransom hell to the money line. C'est pas mal du tout, ça s'appelle El Royce avec Voodoo Rising. Ouais, c'est pas mal ça. Ouais, et c'est Black Saint Bourbon. Voilà, tout ce qu'on aime quoi. Enfin, moi le Black, le Saint oui, le Bourbon un peu moins. Bon, je préfère le Sky, mais enfin, voilà. Bon. Voilà, c'était pas mal. Un peu difficile, toi. Ouais, je suis très difficile quand même. Hein. Ouais, mine de rien, oui. Ouais. Le prochain, c'est Brent Bjorg. C'est pas le jour de tennis, hein. Et on va s'écouter Humble Pie. L'album s'appelle Tao, pas Tao et les Cités d'Or. Hein. Tao, pas Tao et Lina. Pas Tao et Lina non plus, mais c'est Tao of the Devil. C'est pas mal non plus. Et franchement, on a joué très, très gentil quand même aujourd'hui, quand même, hein, je trouve. Ah, c'était. Ce tournoi était très doux. Bah là, ça me fait vraiment penser un peu aux années, tu vois, 70s, ouais. Années 60, le Manflower, hein, voilà, où les gens, ils ont profité un maximum, quoi. Peace and love, love devant, love derrière, tout est bien, quoi. Voilà, c'était Brian Björk avec Humble Pie, Tao of the Devil, du bon rock'n'roll comme on l'aime, et c'est bien un peu de changer tout le temps, et pour vous prouver aussi que le rock'n'roll n'est pas mort, et que c'est, il n'y a pas que Blue Suede Shoes de Elvis Presley qui existe en rock'n'roll. Voilà. Alors, les amis. Aussi, ah oui, moi aussi. Hein. Love me tender. Mais bon, je vais pas chanter parce qu'il fait déjà froid. S'il pleut en plus de ça, il va faire du verglas. Et on doit penser à nos amis Midnight Monkeys qui partent plutôt plus tard de l'émission. Ça dépend à quelle heure ils partent. S'ils partent à minuit une, c'est déjà plus tôt parce qu'on est déjà le lendemain. Donc, ils risquent de rencontrer du verglas sur la route. Et j'ai aussi quelqu'un qui va travailler en vélo, courageux quand même. Je le croise de temps en temps. En mobylette maintenant, hein, c'est bien. Il a progressé. Il a eu une augmentation, c'est bien. Voilà. Allez, d'ici quelques minutes, vous allez retrouver Midnight Monkeys Show. Donc, bah maintenant, on peut plus annoncer le programme. Hein, voilà. Mais bon, c'est du bon et du très bon. Quant à nous, Sylvain, on se retrouve la semaine prochaine. Normalement, si tout va bien, oui. Ouais, voilà. Le sacheur, je sais pas. Bon, lui. Oui, bon, on sait pas. Peut-être la semaine prochaine, on sait jamais. Hein, ouais. Comme tu vois, il y a une blague de Danny Boone. Tu sais maintenant comment on peut faire pour punir les enfants de nos jours? Tu leur coupes les pouces. Ils pourront plus jouer avec leur smartphone. Quoi, les index? Non, les pouces, oui, les index, mais bon, le pouce c'est utile. Hein. Bah, c'est le doigt le plus utile. Enfin, voilà. Allez, nous on va se quitter, on se retrouve la semaine prochaine. N'oubliez pas, donc si vous n'avez rien à faire, même si vous avez à faire quelque chose, vous prenez la famille, les papis, les mamies, tout le monde, et vous allez au Kraken Festival et vous les mettez au milieu de la foule. Pour Dagoba, vous verrez, ils seront très bien. Voilà. Et faire de bons circle pit, de bons. Ça fera bouger les articulations. Voilà. Anti-arthrose Dagoba. Voilà, Midnight Monkey. C'est tout de suite après, d'ici quelques secondes, quelques minutes. On se quitte avec Spiritus Mortis, les amis, avec She Died in Virgin, tout un programme. L'album, c'est The Year Is One. Ciao, les amis. Faites de beaux rêves.